6 mois plus tard, dans la salle du gouvernement du Palais Royal, les conseillers privés du roi Charles II commentent l'ascension aussi fulgurante que mystérieuse de Ruy Blas, dont César, devenu duc d'Olmédo et premier ministre. Puis, sans se rendre compte de l'arrivée de Ruy Blas, ses conseillers de Charles II se disputent la répartition des revenus du royaume, mais Ruy Blas intervient.